mer. Zifman. Impact lyrical, impact lyrical, impact lyrical, impact lyrical, impact lyrical. Dix, ça débarque avec un style accidenté. Les sourcils froncés s'imposent sur le rap français. Ses forces à poser des lyrics corsés. La bombée d'armée, l'impact amorcé. Pas de quoi me forcer, mec, j'écris pas sans inspi. Dans ma nuit, je rêve de porcher, que les liasses viennent me torcher. Dans mon dos, ça ricane, dans ce milieu hostile. Je les cuisine, j'ai déjà sorti les ustensiles. T'entends pas, c'est dix, sa mère. Et c'est lyrics, sa mère. Qui stresse pas quand les flics s'amènent. Nicole Baveux s'emmerde, le fric s'égrène. Je récolte pas pour t'en plante les graines. C'est Zefman, coupe sa grande gueule, pas de censuration. Les rimes j'en fais collection, libre à mon inspiration. À mes pulsions, atteindre la perfection, tel est mon dicton. J'ai la tête sur les épaules, comme la plupart qui ne veulent pas se l'avouer. L'ascenseur social est coincé, au sous-sol on a pas de bol. À force d'être discriminé, on devient discriminant. Je comédie crime ruminant, au racisme devenu pertinent, je lève ma plume au changement. La liberté d'expression j'utilise à bon escient. Fidèle à ma science, je fais preuve de prudence. C'est dix sa mère. Et c'est lyric sa mère. Qui stresse pas quand les flics s'amènent, ni quand le baveux s'emmerde. Le fric s'égrène, je récolte pas pourtant je plante les graines. C'est Zefman, trouve sa grande gueule, pas de censuration. Les rimes j'en fais collection, libre à mon inspiration. À mes pulsions, atteindre la perfection, tel est mon dicton. Oh, détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Nous c'est trop tôt dans le fossé, notre fierté est froissée. Encaisse les coups de crasse, les coups de crosse, et vite d'y penser. Trop détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Démarqué de ces minorités qui ont mal tourné, qui n'ont pas su lutter contre cette société. Même dans ce monde irrationnel, je balance des crasses sur la zik en espérant qu'elle prenne sur elle. Je reste un criminel, passionnel. Le dilemme dans ma tête m'assujettisse à des migraines. Ouais, y'a pas que Mike qui maille, mais y'a que ma maille qui style. Et s'il y a trop de mitraille, c'est qu'on a plus de quoi graille. Donc je garde mon coffre comme une sentinelle en cas de famine occasionnelle. Je me stresse sans compter sur le système. T'entends pas, c'est dix sa mère. Et c'est lyrique sa mère. T'entends pas, c'est Zefman. À l'inspiration, jamais en panne. T'entends pas, c'est dix sa mère. Et c'est lyrique sa mère. T'entends pas, c'est Zefman. À l'inspiration, jamais en panne. Bordel, je viens du tiers monde, mais je compte pas vagabonder. Qu'on arrête de me suspecter, je suis pas affecté à une affaire infectée. Qu'on arrête de m'inspecter, j'ai mes papiers d'identité. Né sur le sol français, je compte bien y rester. Je veux être le 50 du rap français, assuré sur un plateau télé. Qu'on m'applaudisse à mon entrée sur scène, j'en vaux la peine. T'entends pas, c'est dix sa mère. Et c'est lyric sa mère. Qui stresse pas quand les flics s'amènent, ni quand le baveux s'emmerde. Le fric s'égrène, je récolte pas pourtant je plante les graines. C'est Zefman, trouve sa grande gueule, pas de censuration. Les rimes j'en fais collection, libre à mon inspiration. À mes pulsions, atteindre la perfection, tel est mon dicton. Trop détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Tous c'est trop tôt dans le fossé, notre fierté est froissée. Encaisse les coups de crosse, les coups de crasse, et vite d'y penser. Trop détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Démarqué de ces minorités qui ont mal tourné, qui n'ont pas su lutter contre cette société. Trop détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Poussé trop tôt dans le fossé, notre fierté est froissée. Encaisse les coups de crasse, les coups de crosse, et vite d'y penser. Trop détraqués nous ont marqué, le rap nous a démarqué. Démarqué de ces minorités qui ont mal tourné, qui n'ont pas su lutter contre cette société.